t'en souviens. C'est fini, je ne veux plus faire ça. Je ne pense pas que cette décision t'appartienne. Je ne suis plus la propriété de qui que ce soit. C'est des coups de boulet, des coups de blues. Des meurs sous le blouson. C'est l'aliéné, faut créer le blason. Cocaïne au rap, j'éclate à cloison nasale. Un putain de hell avec un flow nazi. Je me suis dit depuis le départ, j'arrive là en défonçant les portes. Le rap hardcore est dans mes cordes. Envers la technique à Discord. Adepte de rap et de sport, je vais faire monter le score. J'arrive même si personne m'attend. Calibré ou pas, j'ai le flow du coupable. Si tu me cherches, me touche pas pour éviter les touches. Car le brancard de ta vie, on s'en prend le quart. Trop de mythos dans ce milieu. Je réussirai sans le silencieux. Hey yo, je suis muslim, j'ai pas tourné le dos aux yeux. C'est millésime underground, je sais pas si tu te rappelles. Ça rap sale, ouais, ouais. Me manque le beat gronde. Ok, maman de la voilà. Chaque jour c'est le hall versus ta paire de Nike Air. Le nez dans les affaires, c'est toute l'année qu'on maille, frère. On va le faire si on t'a dit qu'on va le faire. Surveille tes arrières, c'est que le début de ton calvaire. Chaque jour c'est le hall versus ta paire de Nike Air. Le nez dans les affaires, c'est toute l'année qu'on maille, frère. On va le faire si on t'a dit qu'on va le faire. Surveille tes arrières, c'est que le début de ton calvaire. Appelle-moi MC, jusqu'à présent c'est ça qui me définit le mieux. J'ai pas 36 moyens de marquer mon temps avant de finir vieux. J'suis pas sous cocaïne, j'ai mon pilon et ma son bois, moi. J'rate des putains de lignes où j'raconte ma façon de voir, t'sais quoi. 2008, y'a plus de repères et les trois quarts sont tapés. À ce qu'il paraît, y'a des polos qui volent ma façon de rapper. Alors écoute l'original, petit laisse passer les grands. Tu rayes mon parquet, Bélec, tu pourrais te casser les dents. La phase élégante, assez mon côté british. J'vais kiffer les potes et j'ai la cote auprès des bitches. J'suis pas fétichiste, pourtant j'mets des pieds dans le cul. Ta réputation n'est pas si vraie que tu l'as prétendu. J'suis fait pour briller, j'ai rien à foutre dans ce fond de cale. Zak et Zaka, c'est aussi vrai que 2 et 2 font 4. Appelle-moi MC, rends-moi Select de noblesse. Fidèle à ce qu'on dit, tu verras pas le revers de mauvaise. Chaque jour c'est le hall versus ta paire de Nike Air. Le nez dans les affaires, c'est toute l'année qu'on maille, frère. On va le faire si on t'a dit qu'on va le faire. Surveille tes arrières, c'est que le début de ton calvaire. Chaque jour c'est le hall versus ta paire de Nike Air. Le nez dans les affaires, c'est toute l'année qu'on maille, frère. On va le faire si on t'a dit qu'on va le faire. Surveille tes arrières, c'est que le début de ton calvaire. Ouais, c'est la bourse ou la vie, prenez la poudre des scampettes. Devant ce bis de tente naïve, après l'éclaircive, là la tempête. Tu voulais un MC dans le peloton de tête, t'as frappé à la bonne porte. Ils sont tous en érection quand se frottent mes cordes vocales. Allez, range ton rap d'occasion et reviens me voir quand t'en feras un de garçon. Malheureusement, trop d'MC mortes à l'âme sont tendus par ces bâtards de DA, adeptes de la double pénétration. Nous aussi on veut du rap sale, celui qu'on savoure avec un bon verre de saké, celui qui fait réfléchir les scraps. Trop d'armes quand je l'ouvre, c'est pour le carnage. Ici c'est le temps thématique modèle pour Mamad et ses carnassiers. Attitude similaire dans la zig et dans la hive. Ça fait bien longtemps qu'on n'est plus des naïfs. Rangez vos contrats piégés, nous on est pareil pour le contact. Tu sais, on peut s'embrouiller tant que ça reste dans le compact CD. Chaque jour c'est le hall versus ta paire de Nike Air. Le nez dans les affaires, c'est toute l'année qu'on maille, frère. On va le faire si on t'a dit qu'on va le faire. Surveille tes arrières, c'est que le début de ton calvaire. Chaque jour c'est le hall versus ta paire de Nike Air. Le nez dans les affaires, c'est toute l'année qu'on maille, frère. On va le faire si on t'a dit qu'on va le faire. Surveille tes arrières, c'est que le début de ton calvaire. J'suis pas venu lancer des pics ou tenter l'esquive. Lâche ta ligne de cesse, le diable ne cesse de menter l'esprit. Fais pas celui qui aime se vanter de ses crimes. Lis entre ses lignes, la justice te pèse une fois entre ses griffes. On pense qu'à rentrer les billes, profession spartiate. Ranger les strings, on a tous cette obsession de l'asphalte. J'm'en pas les couilles du rap, mais j'peux plus ôter le sang de ma life. Si c'est tranchant, c'est que j'suis toujours en possession de ma lame. Où que tu sois, qui que tu sois, tu peux finir par faire coucher d'une droite et devenir pique-nique du soir. La part du gain est réel, professionnel comme Bébel. On mise tout sur un bourrin OPM, l'état nous baisse. Chaque jour c'est le hall versus ta paire de Nike Air. Le nez dans les affaires, c'est toute l'année qu'on maille, frère. On va le faire si on t'a dit qu'on va le faire. Surveille tes arrières, c'est que le début de ton calvaire. Chaque jour c'est le hall versus ta paire de Nike Air. Le nez dans les affaires, c'est toute l'année qu'on maille, frère. On va le faire si on t'a dit qu'on va le faire. Surveille tes arrières, c'est que le début de ton calvaire. Max Gregor, Néo Chrome, Yoni, Granit.